Yeah! Aïe aïe aïe! Donc pour les gens qui s'attendaient ce soir à un hardcore dance floor, il y a eu comme un bug. Même si, je vous assure, il y avait vraiment moyen de se trémousser sur cette musique ambiante. Et un peu baba power. Eh bien, bug. Abordons d'abord l'aspect cinématographique de la chose. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film de William Friedkin. Donc c'est un film qui s'appelle Bug, c'est par le mec qui a fait L'Exorciste, tout ça. Et c'est donc un film dans lequel un Marines qui fait la guerre en Irak, ben c'est assez courant, il s'échappe d'une cellule médicale où il est soi-disant, enfin c'est ce qu'il estime, hein, là on emploie un mot subjectif, hein, il estime être victime d'injections et qu'il est cobaye d'une expérimentation militaire et des vues d'attaques civiles. Donc en fait, il s'échappe et en fait, il est persuadé d'être occupé, enfin que l'intérieur de son corps en fait est occupé de puces électroniques qui sont des insectes auto-répliquants. Et qu'en fait, ces insectes ensuite l'armée afin de en fait l'objectif de l'armée dans ce film serait de pucer toute la population mondiale. Mais comme ils se disent que jamais les masses ne seraient d'accord pour se faire pucer, hein, parce que bon, les gens sont pas si cons que ça, ils emploient l'idée d'un insecte autoréplicant, donc une puce sur laquelle il y a un émetteur, c'est une espèce de cyber, on peut appeler ça un espèce de cyber bio-organisme. C'est une puce, donc elle baise entre elles, et on les trouve dans la nourriture, dans les vêtements, dans la coke, et elle baise entre elles une fois qu'elles sont à l'intérieur du corps humain, et ensuite, à partir du porteur, elles se jettent sur les autres corps humains, comme la gale, ou comme n'importe quel parasite, ou n'importe quel virus. Et donc, de cette façon, ces puces qui permettent aussi donc à l'armée de contrôler les émotions et les comportements des corps humains se développent et prennent l'ampleur d'une espèce de psychose. Alors le film est filmé de façon à ce qu'on ne sache jamais vraiment si c'est le point de vue subjectif du type ou enfin si c'est le monde qui est devenu fou ou si c'est le type qui est fou. C'est ça qui est intéressant. Alors est-ce que c'est une possibilité impossible que cela arrive? Est-ce que ce film traite de paranoïa ou traite-t-il d'une volonté délibérée de mettre fin à toute forme de volonté chez l'individu? Bug, cafard, insecte, erreur. Donc écoutons maintenant le côté musical du phénomène. Bug ou qu'est-ce qui ne va pas chez l'être humain? Ils sont...